Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast qui parle des livres et nous. Bonjour Bibiche. Bonjour Chamallow. Ah oui, carrément, tu balances carrément les petits surnoms en public. Bah, on a dit que c'était un challenge lecture fait par Bibi Malo. Ça paraît logique, Bibi c'est moi et Malo c'est toi. Oui, mais ça se trouve, on habitait à Saint-Malo. Et du coup, le Bibi, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire tout doucement. On habite tout doucement à Saint-Malo. Alors, Bibiche, c'est le mois de janvier 2021. C'est toujours la merde dans le monde. Oui, malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. Voilà. Mais par contre, c'est pas la merde dans nos esprits, puisqu'on a lu chacun un livre pour ce mois de janvier autour d'un thème. Est-ce que tu peux nous rappeler le thème ? Puisque je rappelle le concept de cette émission. C'est... Vas-y, rappelle-le-toi. Eh bien, c'est lire un livre par mois avec un thème imposé chaque mois. Et le thème du mois de janvier, c'était lire un livre avec un animal avec des ailes dans le titre. Alors, est-ce qu'on peut révéler le secret de cette catégorie ? Oui, alors en fait, on avait tous les deux un livre qu'on avait envie de lire et le point commun, c'est que bah, y avait des ailes dans le titre. Alors, du coup, si... ça a été une catégorie faite sur mesure parce qu'il fallait qu'on lise... On avait le bouquin sous la main et il n'y avait pas besoin de chercher. C'est ça, pour le mois de janvier, il fallait effectivement qu'on ait le livre sous le coude parce que sinon, ça allait être chiant. Bon, ça n'empêche pas qu'on a acheté les livres du mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet aussi, je crois. Pour moi, toi. Jusqu'à juillet. Voilà. Celui d'avril est encore en commande, mais jusqu'à juillet, ouais. Donc, comme quoi, on aurait pu prendre la catégorie qu'on voulait pour ce mois de janvier. Oui, mais bon, ça nous a permis de commencer tout de suite sans avoir à attendre qu'il arrive. On ne sait jamais, il aurait pu y avoir un confinement, reconfinement, re-reconfinement. Ne me lance pas, femme. alors, femme, petit rituel de début d'émission. On va se transmettre nos livres. Donc, je te transmets formellement mon livre. Merci. Et moi, je te transmets formellement le tien. Je tiens à noter que tu t'es foutu de ma tête lors de la dernière émission pour la longueur, mais que le mien, il était beaucoup plus gros. Oui. Alors, pour rappel, ce livre-là, c'est toi qui me l'as offert. Oui, c'est vrai. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas. T'es passé à la librairie et t'as dû penser qu'il allait me plaire. Je me suis dit, elle va chialer. Et je vais lui prendre. Alors, il y a effectivement un passage que je ne suis pas capable de lire à haute voix sans pleurer. Alors, on a fait un petit tirage au sort avant cette émission, de façon très élaborée, hein, puisqu'on s'est dit c'est qui commence. Et donc, c'est moi qui vais commencer avec mon livre que je t'ai donné. Donc, du coup, je ne peux pas introduire mon livre puisque je ne l'ai pas entre mes mains. Donc, je vais moi-même introduire ton livre. Ah, j'aime bien quand tu as introduit mon livre, ma chérie. Donc, c'est un livre qui s'intitule « Papillon de nuit », ce qui est bien un animal avec des ailes. Et l'auteur, c'est R.J. Ellory. Alors, je dois, pour l'anecdote, expliquer que pendant que tu as lu ce livre, c'est-à-dire pendant les 3 semaines où tu l'as lu, moi, à chaque fois, j'ai lu sur la couverture Ellroy. Donc, j'étais persuadée que c'était un bouquin de James Ellroy. Ah merde, non, ah ouais, c'est Ellroy. Merde. Et voilà, le fait que tu en avais acheté juste avant, c'était moi dans ma tête, c'était Ellroy. Donc en fait, j'ai été hyper surprise de voir que c'était pas du tout ce que je pensais. Tu veux dire que j'ai révisé James Ellroy pour rien ? Tout à fait. Tout la quadrilogie de Los Angeles, etc. Le Dahlia Noir, tout ça. Bon, après, ça peut toujours te servir si tu le lis à un moment donné. Oui. Puis j'en ai acheté. Pour la culture générale, ça peut être utile. Donc c'est un roman qui a l'air assez sombre sur la couverture. On voit. Un bord de mer avec un gros rocher et 2 personnes qui sont en haut du rocher. Et le titre est en noir et le nom de l'auteur est en rouge, en très très grosses lettres. Et en bas, il y a marqué par l'auteur du best-seller « Seul le silence », que je ne connais pas. Oui, on débute dans la lecture, excusez-nous. Donc c'est un roman qui fait 500 pages. Celui-là dans la collection du livre de poche. Donc première question, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle ? Alors déjà, ça ne parle pas de montagne. Je ne sais pas pourquoi il y a une montagne sur cette couverture. Ouais, c'est plus un rocher de bord de mer, mais... Ouais, il n'y a même pas de bord de mer dans ce truc, enfin, je ne sais pas. Alors, Papillon de nuit. Alors déjà, ce n'est pas du tout la biographie de Cindy... Comment ça s'appelait ? Il chantait Papillon de lumière sous les projecteurs. Cindy Saunders. C'est pas sa biographie. Ah oui, ouais. Oh la vache. Oh, tu vas chercher ça loin. Mais oui. C'est l'histoire de Daniel Ford. On est au tout début des années 80. Il est dans le couloir de la mort. Il s'apprête à être exécuté. Donc ça se passe aux États-Unis. Même si l'anglais est auteur. ou l'auteur est anglais. Mais ça se passe aux États-Unis et effectivement, on est dans les années 80. Lui est condamné à mort et il est condamné à mort pour le meurtre. J'ai du mal à parler dans cette émission. Pour le meurtre de Nathan Verney. Mais te moque pas de moi. c'est déjà suffisamment compliqué. Le meurtre de Nathan Vernet, tu m'écoutes pas là. Je vois bien que tu m'écoutes pas. Et attendez, chers auditeurs, on va la laisser rire. Voilà. Et à la limite, je vous mets une petite musique d'attente, etc. Tu couperas ça au montage. Ah non, que dalle. Donc, il est dans le couloir de la mort pour le meurtre de... De Nathan Vernet, qui se trouve être son meilleur ami. D'accord. Son ami d'enfance. Et effectivement, toute une grande partie de la mécanique du livre, c'est qu'il va nous raconter ses souvenirs, et surtout ses souvenirs, ses souvenirs à lui, mais comment aussi on avance au fur et à mesure dans le livre en découvrant son lien vraiment très fort avec Nathan Vernet, qui est vraiment son meilleur ami et il est prêt à tout. Alors, là, on est dans les années 80, il est dans le couloir de la mort. Il a été condamné il y a combien de temps ? Le meurtre, il a lieu... Il a été condamné au début des années 70. D'accord, donc c'est un meurtre qui a été commis il y a 15 ans à peu près. C'est ça. D'accord. Même pas il y a 10 ans, parce qu'on est vraiment en 80. Reagan vient d'être élu. D'accord, donc il vient de passer 10 ans en donc prison. On doit être en 81, 82 peut-être. D'accord. Tout au plus. Mais donc du coup, on revient jusqu'à la fin des années 50, jusqu'à la fin des années 50. C'est le moment où moi j'ai un peu accroché au livre. Il a quel âge, le héros ? Alors je l'ai appris à la fin, il a 36 ans. En 82 ? Dans les années, au début, à la fin, au moment où il doit se faire exécuter, il a 36 ans. D'accord. C'est mon âge, donc du coup je me dis, ah merde, il a 36 ans. Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un qui va se faire exécuter à 36 ans que tu vas mourir dans l'année. Non, bah non, il me reste 4 mois. j'ai résisté au 33, je peux résister au 36. Mais donc du coup, c'est le moment où j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce livre. J'y reviendrai peut-être un peu après, mais j'ai eu un peu mal à rentrer dans ce livre. Et le moment où je suis rentré dedans, c'est quand on est revenu à son premier souvenir où il est gamin et on comprend à ce moment-là que la personne qu'il est supposé avoir tué, parce que lui évidemment on nous dit qu'il est innocent, mais la personne qu'il est supposé avoir tué est son gamin. Et en fait, du coup, le premier souvenir est son meilleur ami. D'accord. Et tu commences pas, femme. Hein. Et son meilleur ami. Donc, en fait, c'est un livre avec des flashbacks. Alors, c'est un livre avec des flashbacks, même si au final, c'est plus dans le début, c'est plus des flash-forward. C'est-à-dire que les moments où il est dans le couloir de la mort et où il raconte un peu comment ça se passe dans le couloir de la mort sont quelques pages, toutes les 20 ou 30 pages. D'accord. Donc, on a une grande majorité de souvenirs qui sont relatés. Et après, ça se rééquilibre et on revient dans le présent et où les souvenirs sont un peu plus... D'accord. Mais ces souvenirs, c'est juste lui qui revit son passé ou alors est-ce qu'il le raconte à quelqu'un ? Alors c'est lui, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il raconte à la fois son passé de narrateur, comme un narrateur, mais il est aussi dans les derniers mois avant son exécution, et donc du coup c'est le mois où aussi, enfin il faut revenir quand même sur la logique de la peine de mort, c'est-à-dire que la peine de mort c'est l'objectif aussi de, on n'exécute pas les gens tout de suite parce qu'on leur laisse le temps, d'abord que le système permette de gérer ça, mais aussi de se repentir, de réfléchir à leurs actes, et puis une fois qu'ils ont bien réfléchi, qu'ils sont prêts, qu'ils assument leur faute, etc., on les tue. Oui, mais là, le narrateur, lui, il dit qu'il n'a pas commis le meurtre. Lui, il affirme qu'il n'a pas commis le meurtre, et donc du coup, comme il va être exécuté, il passe ses journées en fait à échanger avec un prêtre. D'accord. Et donc du coup, les moments où on est dans les années 80 et où il est toujours le narrateur, c'est le moment où il raconte ce qu'il dit en fait au prêtre. Et les autres chapitres où on revient dans le passé, bon bah c'est un complément, mais on suppose que c'est aussi dans la logique de ce qu'il raconte au prêtre. Et ce qui est intéressant dans la narration, c'est que effectivement on revient sur son histoire personnelle, mais c'est aussi l'occasion de découvrir toute l'histoire de la fin des années 50, des années 60. Puis les années 70. Ça se passe dans quel état des États-Unis ? Alors, si ma mémoire est bonne, c'est en Caroline. D'accord. Donc, un état sudiste, mais je crois que d'ailleurs, c'est l'un des états où sévit en premier le Ku Klux Klan. Mais du coup, c'est la toile de fond. Il y a deux toiles de fond dans cet ouvrage, en parlant des années 60 et 70. C'est évidemment, et c'est l'un des cœurs, et ce qui m'a attiré vers ce livre, c'est la question des droits des Noirs et de la ségrégation aux États-Unis. Et il y a aussi un volet sur la guerre au Vietnam, puisque ils vont avoir 18-20 ans à la fin des années 60. Et donc, du coup, ils sont destinés à aller potentiellement au Vietnam. Et d'ailleurs, les deux héros vont fuir, vont déserter. Enfin, un va déserter et l'autre va suivre son meilleur copain. Ils vont s'enfuir pendant 18 mois. Ouais, donc ça fait vraiment la trame de fond des événements. C'est ça, ça fait vraiment la trame de fond. Et on a des... Alors, ce qui est d'ailleurs très intéressant quand on sait que l'auteur est anglais, je trouve que malgré tout, ce regard anglais fait qu'il y a une distance par rapport à cette histoire américaine. Mais en même temps, il y a une bonne connaissance. Donc, je trouve qu'il a une capacité, du coup, à transmettre l'essentiel dans une narration qui est effectivement de l'ordre du souvenir. C'est les souvenirs de Daniel qui nous raconte comment ça s'est passé. Il y a un passage, le lancement de la... Il y a deux passages qui sont intéressants. Je peux t'en lire un. Oui. D'ailleurs, il y a un passage qui est intéressant, c'est sa vision. Hop. Je me suis mis un petit post-it. Alors, j'ai corné les pages et puis juste avant l'émission, j'ai mis un petit post-it. J'étais un gamin blanc en Caroline du Sud. Nathan était noir et ce n'est... je ne sais pas lire. J'étais un gamin blanc en Caroline du Sud. Nathan était noir. Et ce n'est qu'en 1957 ou 1958, quand la cour du district fédéral a ordonné à Little Rock, Arkansas, de nous traiter à égalité, quand Martin Luther King a été arrêté pour délit d'intention, quand il a dénoncé les violences policières et a été condamné à une amende de $14 pour avoir refusé d'obéir à un agent, que les douleurs de ce pays enduraient, que les douleurs que ce pays enduraient, putain la vache, je ne sais pas lire, que les douleurs de... putain... Je vais refaire ma phrase. C'est pas grave, je couperai au montage. Et ce n'est qu'en 1957 ou 1958, quand la cour du district fédéral a ordonné à Little Rock, Arkansas, de nous traiter à égalité, quand Martin Luther King a été arrêté pour délit d'intention, quand il a dénoncé les violences policières et a été condamné à une amende de $14 pour avoir refusé d'obéir à un agent, que les conducteurs, que les douleurs, putain, c'est pas possible. Est-ce que tu veux que j'essaye de lire cette non, phrase ? Non, mais non, parce que non. Que les douleurs que ce pays endurait ont commencé à s'insinuer dans nos vies et à nous toucher. Je ne sais plus du tout pourquoi je te lisais cet extrait-là. Pourquoi je te lisais cet extrait-là, d'ailleurs ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On parlait du contexte. Oui. Mais on n'était plus sur la guerre du Vietnam. Pourquoi Oui, mais là, parce que du coup, mais parce qu'en fait, ça m'a renvoyé un autre extrait où il nous raconte la guerre du Vietnam et comment se passe la conscription de la guerre du Vietnam. Et donc, je vais te lire l'extrait. Je sens que tu frémis à l'idée que je te lise à nouveau un extrait. Je te l'ai lu en plus cet extrait, rappelle-toi. En novembre 1965, l'armée est arrivée à Greenleaf, c'est le nom de la ville où ils habitent. Pourquoi les militaires ont choisi Greenleaf, je n'en sais rien, mais ils ont débarqué apportant avec eux une tente grande comme la moitié d'un terrain de football. Les soldats sont allés chercher en bus les gens des villes avoisinantes. Ces derniers considéraient peut-être ça comme une sortie en famille et quand ils arrivaient, ils découvraient que l'armée leur avait préparé du poulet frit et de la salade de maïs et de pommes de terre. Les gens se sont massés dans la tente et comme durant un rassemblement évangélique, ils se sont assis et ont attendu l'arrivée du représentant de l'armée. Il faisait chaud pour la saison et bientôt la tente a été comme un four. Les gens s'éventaient avec les brochures qu'ils trouvaient sur leur siège. Les enfants réunis par petits groupes en bordure de la tente discutaient, riaient, se chamaillaient. Mais quand le représentant de l'armée est arrivé, ils se sont tus et tenus à carreau. Et c'est ça qui est agréable dans la lecture, c'est que il y a l'histoire du personnage qui, c'est un jeune dans les années 60, puis dans les années 70. Et évidemment, c'est narré par un mec qui est condamné à mort, donc on va s'attarder sur des moments de sa vie qui sont des moments de l'ordre de l'intime. On va parler beaucoup de sa première fois, de toutes les femmes qu'il a aimées. Il en parle parce que, fait un peu le bilan de sa vie. Il demande un peu quelle trace il laisse. Mais aussi, en même temps, il y a ce regard sur son époque. La mort de JFK, la mort de Martin Luther King, la conscription pour la guerre du Vietnam. Comment tout ça, lui, le voit à son époque. Comment lui prend conscience à un moment donné. C'est le premier extrait que je t'ai lu en 56-57 que... lui, son meilleur pote, il est en Caroline du Sud, dans un état qui est plutôt raciste. Son meilleur ami, c'est un noir. Lui, il est blanc. Et comment lui, à un moment donné, prend conscience que, oui, il y a une différence entre les deux, que lui ne voyait pas, mais il y en a une. Ça me fait beaucoup penser à Forrest Gump. Il y a effectivement... Références aux événements historiques et l'un des amis de Forrest Gump aussi est noir, celui avec lequel il fait la pêche à la crevette. Il y a ce côté un peu Forrest Gump qui m'a beaucoup surpris parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce livre. Je l'ai acheté je ne sais pas quand, je ne sais pas. Tu as dû penser que c'était un James Ellroy. Non, j'ai dû penser, en fait, quand j'ai lu derrière, ça parlait du Ku Klux Klan, ça parlait des droits civiques, donc c'est des thèmes que j'aime bien. Ça parlait aussi d'un mec condamné à mort, et moi, je pense que ça a allumé les lumières de John Grisham. Alors, est-ce que je peux me permettre de lire la première et la dernière phrase du roman ? Oui, vas-y. Et donc, ça m'a rappelé John Grisham, qui est un auteur que j'aime beaucoup, même si je fais des petits rototos pendant que je dis son nom. Alors, première phrase, « Quatre fois j'ai été trahi, deux fois par des femmes, une fois par le meilleur ami qu'un homme puisse désirer, et finalement par une nation. Ça commence bien. Et alors, la dernière phrase. Et je crois que Nathan, peut-être plus que quiconque, aurait apprécié ça. Oui, alors ça révèle pas beaucoup, mais j'avoue que la première phase, elle est un peu attirante. Oui. Elle rend curieux de ce qu'il y a derrière. Et pour revenir sur le côté Forrest Gump, c'est vrai qu'il y a ce petit côté Forrest Gump dans la manière de faire, mais en même temps, ce côté finalement très réaliste. C'est-à-dire qu'il ne lui arrive pas des trucs extraordinaires, mais il est tout simplement témoin d'une histoire, qui est une période de l'histoire américaine aussi. Ça reste une période de l'histoire américaine où il se passe beaucoup de choses. Et même sans faire des choses soi-même extraordinaires, on est forcément témoin de tout ce qui se passe. Oui. Et c'est une vision... du coup, c'est peut-être une vision... normal, banal, de quelqu'un qui a juste vu ça en témoin plus ou moins éloigné. Oui, et puis ça va même un peu plus loin parce qu'il y a des moments dans l'ouvrage où il fait un flashback, il se remémore des discussions qu'il a eues au tout début de son incarcération, où il n'était pas encore dans le couloir de la mort, mm-hmm. Où il discute avec un mec qui est un partisan des théories de complot, et donc du coup pour qui JFK... il se donne à la fois la version de l'histoire telle que lui l'a vécue, mais aussi la version un peu complotiste que d'autres peuvent avoir, ouais. Et dont on a forcément. C'est-à-dire quand on parle de la mort de JFK, quand on parle de la mort de Kennedy, son petit frère, en 68, ou de la mort de Martin Luther King, on est obligé de se demander. Les dossiers de l'assassinat de JFK ont été libérés, ont été ouverts au public il y a quelques années. Bon, on n'a rien appris, visiblement. Mais tout le monde les attendait en disant peut-être qu'on va apprendre que Lee Harvey Oswald, c'est pas lui qui a tué. Oui, si c'était dans les dossiers secrets, on l'apprendrait pas comme ça. Il y a toutes les obsessions de l'histoire américaine récente qui est dedans, avec évidemment un écho à l'actualité un peu plus récente, avec ce qui a pu se passer aux États-Unis. De voir. Il y a un passage où il parle il fait un peu l'historique du Ku Klux Klan. Et où, tu te dis... Ah oui, parce que nous, ce qu'on retient à l'image du Ku Klux Klan, c'est... C'est les mecs en cagoule qui vont foutre le feu à des maisons de noirs. C'est ça. Avec des grandes capuches pointues. Mais ça, on va dire que c'est la partie folklorique du Ku Klux Klan. C'est la partie... c'est la vitrine. C'est pas ce que j'appellerais... Dans les faits, le Ku Klux Klan, c'est un mouvement qui est un peu plus ancré et dont on voit aujourd'hui qu'effectivement, Trump, il suffit qu'il agite un peu les foules. Oui, il est encore présent. C'est plus le Ku Klux Klan, mais... C'est pas tous des gars en cagoule, c'est aussi des gars qui rentrent chez eux. C'est aussi quelque chose qui est dans certaines mentalités. Et tu as aimé ou pas ce livre ? Oui, j'ai aimé. Non, oui, non. Non, oui, j'ai aimé. En fait, c'est compliqué parce que le livre est attendu. L'histoire est attendue, même si la narration, le récit est surprenant. Le livre est attendu. Je suis resté appuyé sur le titre Papillon de nuit parce que... Le titre, il vient d'où ? Est-ce que c'est le titre en anglais ou c'est juste la traduction ? Je pense que c'est le titre en anglais. La traduction du titre en anglais, mais je vérifie à l'intérieur. Je n'ai pas le titre original. Bon, d'habitude, il y donc, est. Candlemas, donc je pense que c'est Papillon de nuit. D'accord. Et en fait, à un moment donné, il y a une explication. Je me demandais un petit peu pourquoi Papillon de nuit. Et après l'explication, j'ai continué à me demander pourquoi. Donc je te dis, c'est un extrait un peu long, mais comme ça donne un peu l'idée. Donc dans ce passage-là, c'est une amie, je fais un petit détour sur la vie de l'auteur. Oui. L'auteur, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est quand on s'intéresse à l'auteur. L'auteur n'a pas connu son père. Il a été élevé par sa mère, mais surtout par sa grand-mère. Quand sa mère est morte, il a vécu un certain temps avec son frère. Des éléments qu'on retrouve dans l'intrigue. Nathan, qu'il est accusé de tuer, c'est un peu son frère. Sa mère, à un moment donné, on ne sait pas si vraiment il a un attachement à sa mère. Par contre, il a un attachement à une vieille dame qui est l'espèce de sorcière de la commune. La commune, je parle des États-Unis, quoi. Qui est l'espèce de sorcière du coin, mais qui est juste une femme veuve qui a une histoire triste et qui est très triste. Ça te ferait pleurer. qui s'appelle Eve Chantry et qui est un peu la figure de sa grand-mère. Mm-hmm. Qui va mourir dans la vraie vie, et Chantry meurt dans le bouquin, et il est très triste, et voilà. Et à un moment donné, elle lui explique, c'est elle qui lui parle du papillon de nuit, elle lui dit « Il y a la vision biologique de la vie, et puis il y a tout le reste », a-t-elle commencé. Le papillon est fier d'être si coloré et gracieux, de déployer ses ailes au soleil. Le papillon de nuit, en revanche, son parent le plus proche, est une créature nocturne. Il n'a pas la beauté du papillon, mais il ne le voit pas. Et surtout, les gens ne le voient pas parce que c'est un animal essentiellement nocturne. Et les papillons de nuit sont attirés par la lumière car ils veulent être vus, ils veulent que leur propre beauté magique soit reconnue. Eve Chantry a serré ma main et sourit. Laisse une bougie sur la véranda le soir et regarde-les venir. Un biologiste dira que la raison pour laquelle les papillons de nuit tournent en cercle autour de la flamme est qu'ils sont naturellement attirés par la lumière, que l'aile la plus proche de la source de lumière fera des mouvements plus courts afin de décrire un cercle de plus en plus petit. Mais c'est faux. Ils voient la beauté de leurs ailes à la lumière et ils veulent l'accentuer en espérant que toutes les personnes présentes la verront. Ils s'approchent de plus en plus afin de l'illuminer toujours plus. La chaleur est le prix à payer pour être un papillon. Ils gagnent en vitesse, le cercle rétrécit et soudain, alors qu'ils ne s'y attendent pas, à la dernière fraction de seconde, au dernier battement de cette aile fragile, ils prennent feu et pssst, le corps en flamme, jaune, vif, rouge et bleu, le papillon de nuit devient enfin un papillon. C'est, malgré le pchit à la fin qui brûle, c'est très poétique. Mais même le pchit est très poétique, c'est très visuel. Tu vois, ça sent un petit peu la viande grillée, mais quand même. Mais c'est très, très poétique comme description. Et alors, c'est marrant parce que je retrouve un petit peu des descriptions du roman que j'ai lu, moi. Oui, mais t'as pas pleuré. Non, mais c'est pas moi qui l'ai lu. Mais oui, merci. Mais du coup, j'ai l'un des suspens et l'un des attraits du livre, ce qui fait que j'ai tenu, c'est qu'effectivement, il y a toute l'aspect narration, tout le volet historique, etc. Mais c'est aussi, mais pourquoi en fait le papillon de nuit ? C'est pourquoi on l'identifie au papillon de nuit ? Et oui, tu comprends en voyant la fin, notamment le dernier chapitre, tu comprends pas mal de choses. Quant à savoir est-ce que je l'aimais ou pas, je pense que la question, elle se pose même pas. Je pense que ça fait partie, et j'ai eu l'occasion de te le dire ce matin, ça fait partie de ces romans où, une fois je l'ai fini, mais j'étais en deuil. J'étais en deuil, j'avais passé un bon moment de lecture, c'était agréable, j'étais parti en Caroline du Sud, j'étais parti avec ce personnage, et j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de repasser ce moment-là. L'histoire est attendue, je ne spoilerai pas la fin, mais... Donc je n'aurai pas la réponse à la question que j'aurais aimé te poser, c'est est-ce qu'il a réellement tué son meilleur ami ? Est-ce qu'il meurt à la fin ? Alors, la question se pose au début. L'auteur joue un peu avec ça. C'est-à-dire que même si c'est son meilleur ami, on pense tous à nos meilleurs amis, il y a des moments où on a envie de leur taper dessus très fort. Oui, et puis en même temps, le fait de tuer son meilleur ami, ce n'est pas forcément un crime crapuleux. Enfin, je veux dire, ça peut aussi être un crime accidentel. C'est ça. On a les circonstances de la mort de son ami. On a les circonstances de la mort, on a les explications, les coulisses, on a tout à un moment donné. D'accord. C'est 100 pages avant la fin, ce qui explique que j'ai lu 100 pages hier matin. D'accord. Ça explique pourquoi tu l'as fini d'une traite hier matin. C'est ça, je voulais arriver à la fin. Même si la fin est inéluctable. C'est-à-dire que quand tu avances dans le livre, tu sais comment ça va se finir. Et c'est ça qui est agréable. C'est qu'au final, la fin est inéluctable. Et malgré tout, tu as passé un bon moment de lecture. Tu t'es attaché au personnage, même si le personnage, il a aussi sa part de complexité. C'est quasiment, je trouve que c'est fort pour un roman, c'est quasiment une histoire humaine. Je trouve que le résumé derrière est très mal parce que ça finit en parlant le complot, etc. Donc tu t'attends à un truc effectivement. Oui, les quatrièmes très... de couverture, je trouve que c'est pas toujours représentatif du livre et ça donne pas forcément une bonne image. Ouais, là je m'attendais à un truc un peu de complot, alors il y a une intrigue derrière, mais au final c'est pas ce qui est le plus important parce que il y a pas de suspense en fait sur la fin. Malgré tout, tu es happé par la fin, tu es happé par le roman parce que voilà, la manière dont c'est écrit, l'attachement au personnage et ce questionnement tout du long où comment ce mec a pu être condamné pour le meurtre de son meilleur ami. Et plus tu avances, plus tu vois les liens qu'il tisse dans le détail. Nathan Vernet, lui, est convoqué pour aller au Vietnam, refuse d'y aller. Il se pointe à la maison de Daniel, lui dit « Écoute, moi je m'en vais, je déserte. » Daniel, il n'a rien à se reprocher et il lui dit « Bon, ok, je pars avec toi. » Et ils partent 18 mois en Floride. D'accord. Ils vont se cacher, etc. C'est dire, si tu te dis, mais comment ce mec qui a fait ça pour son meilleur ami... Il a fait ça pour son meilleur ami, comment est-ce qu'il peut arriver à le tuer à un moment donné ? Qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse arriver ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en même temps, tu vois les choses venir, il n'y a pas de surprise. Mais malgré tout, tu dis, bon, bah, c'est naturel. Et heureusement, en fait, qu'il n'y a pas de surprise, parce que souvent, les romans ou les films jouent un peu sur cet effet de surprise. Sauf que dans la vie, il n'y a jamais véritablement de moment où on est surpris. Il y a juste des moments où il se passe ce qui doit se passer si on est un peu attentif. Même si c'est attendu, c'est pas... C'est l'évolution logique. Et est-ce que ça te donne envie de lire le fameux best-seller « Seul le silence » ou un autre roman de cet auteur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je regarderai le... J'irai j'irais pas faire ce que je faisais à une époque, c'est-à-dire que dès que je lisais un John Grisham, j'allais lire tous les John Grisham. Dès que je lisais Michael Crichton, ce qui explique pourquoi il y en a beaucoup dans les bibliothèques. Partout. Là, oui, si je retombe dessus ou si on m'en offre un à mon anniversaire, oui. D'accord. Alors attends, je vais le noter. James Ellroy. Ah non, c'est pas ça. R.J. Ellory. Je vais jamais m'en souvenir. Et donc, c'est en lisant ce livre que j'ai appris que le deuxième prénom de Nixon, c'était Milouz. Donc voilà, un petit détail. Petite anecdote au passage pour ceux qui écoutent la Chi Compagnie. Tout à fait, et courageux. Bon, bah, t'as tout dit, hein, sinon. T'as rien de plus à ajouter ? Non, je pense que j'ai déjà été fort long. Non, mais c'est normal, c'est toi. Je t'emmerde. Ça fait deux émissions où je dis je t'emmerde quand même. Méfie-toi, femme, parce qu'on pourrait divorcer à un moment donné. Ah bah non, ça mettrait fin au podcast avant qu'il ait eu une belle carrière. Bah, ça serait plutôt des livres et moi et toi. Ou et toi et moi. Non, et moi et toi, ça fait égocentrique, c'est bien, ça te ressemble. Alors, on va mettre pause. Je vais vous mettre une petite musique. Voilà, on va en discuter entre deux et puis on revient juste après ça. À l'ombre des eucalyptus, un oiseau répète son tour de chant. Un magnifique oiseau lyre, aussi appelé ménure superbe. Il possède la faculté d'imiter le chant des autres oiseaux ou divers sons entendus, y compris la voix humaine. Alors, Bibi. Ou le bruit d'une tronçonneuse. Si on passait à ton livre. Très, très, très intéressant ce documentaire sur les homards. alors, passons à ton livre. Je rappelle donc le thème de notre challenge du mois de janvier. C'était un livre avec un animal qui a des ailes. Voilà. Donc, moi, c'était le papillon. Toi, ce sont les petits oiseaux. Alors, d'abord, je dois dire livre magnifique. La collection de poche, je crois, d'Actes Sud. Qui s'appelle Babel. Les couvertures sont absolument magnifiques. J'en ai quelques-uns. J'adore les couvertures de chez Babel. Oui, on dirait un tableau, un bout de tableau en fait. En gros plan, on voit une texture dedans. Oui, effectivement, c'est un extrait de tableau assez perturbant puisque du coup, c'est un jeune garçon qui se tient les oreilles et qui semble être niché. Enfin, qui fasse un moineau qui fait deux fois sa taille. donc, c'est clairement la raison pour laquelle je te l'ai offert, ma chérie. Je sais que t'aimes bien les gros moineaux. C'est pas moi qui le dis. C'est un roman japonais de Yoko Ogawa qui s'appelle Petits oiseaux, qui, de mémoire, d'après mes recherches, est un roman qui est sorti en 2014, 2015. Voilà. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, oui. Roman de 200, un peu plus de 250 pages. Bon, des pages un peu plus grosses quand même que les miennes, je dois dire. On fait un petit concours de celui qui a les plus grosses pages. Première phrase, parce que je sais que t'aimes bien ça. Oui, j'avoue que la première et la dernière phrase m'ont bien plu. Alors attention, c'est moi qui lis, hein. Du coup, c'est pas forcément très qualitatif. Lorsque mourut le monsieur aux petits oiseaux, sa dépouille et ses affaires furent, contrairement à l'usage, promptement débarrassées. Bon, déjà, il y a un mec qui canne dès le début. Et alors, la dernière phrase, c'est tout en bas de la page. Dans ses bras, l'oiseau à lunettes n'en finissait pas de gazouiller. Alors, oui. ça parle d'oiseau déjà. Oui, effectivement. Mais est-ce que ça parle que d'oiseau ? Non, ça parle d'oiseau, ça parle de deux frères, ça parle... Alors, je ne peux pas dire que ce soit un narrateur, parce que ce n'est pas lui qui raconte, mais c'est la vie du plus jeune des deux frères, vu par le plus jeune des deux frères. Donc, ça se passe au Japon. Il n'y a pas vraiment de temporalité. À aucun moment, il y a des références à des événements historiques où le narrateur, enfin le héros meurt à plus de 60 ans. Donc même si ça donne une petite idée, mais il n'y a vraiment absolument aucune temporalité dans le roman. Bibi, j'ai le Covid. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, la première phrase, elle pose déjà le décor, c'est que le héros principal, il meurt. Donc, le bouquin, on sait vers où on va. Pendant toute la lecture du roman, tu sais qu'on va vers le moment où il va mourir. Et la première phrase et la dernière phrase, elle pourrait être à la suite. Oui. Il n'y aurait rien entre les deux. La dernière phrase pourrait être la phrase qui précède. Juste, qui est juste avant la première phrase. Ouais. Elle pourrait être à la suite l'une de l'autre. Et en fait, le roman consiste à tout ce qui s'est passé avant ce moment-là. C'est vrai que si je les lis dans ce sens-là, dans ses bras, l'oiseau à lunettes n'en finissait pas de gazouiller. Lorsque mourut le monsieur aux petits oiseaux, sa dépouille et ses affaires furent, contrairement à l'usage, promptement débarrassées. C'est exactement ça. Donc, pour faire un petit résumé, donc ça raconte. Je vois des extraits, en fait, je vois que ça. Pio Pio, donc voilà, non, pardon, ça parle d'oiseau. Oui. Donc, ça raconte l'histoire de deux. Alors, au début, deux jeunes garçons. L'aîné a 7 ans de plus que le plus jeune, qui est le narrateur. Et le frère aîné ne parle pas. Il a un langage qu'il s'est créé lui-même, c'est le langage popo, c'est le langage des oiseaux. Et il n'y a que son petit frère qui arrive à le comprendre. Chez nous, le langage popo, ce n'est pas le langage des oiseaux. Ça ne s'écrit pas pareil. C'est P-A-W, P-A-W. D'accord. C'est vraiment le langage des oiseaux. Lui, il comprend le langage des oiseaux et il ne s'exprime que dans ce langage-là. Apparemment, avant la naissance du petit frère, il s'exprimait normalement, mais depuis la naissance du petit frère, il ne s'exprime que comme ça. Et il n'y a que son frère qui arrive à le comprendre. Donc les parents ont un peu de mal tout d'un coup à gérer ça. La mère est persuadée que c'est quelque chose qui peut se soigner. Elle l'emmène voir un genre de pédopsychiatre à l'époque, neurolinguiste, pour essayer de voir d'où ça vient, si en fait tout d'un coup il n'a pas appris par un processus inédit le langage d'une île secrète que personne ne parle à part 10 individus dans le monde. Mais non, en fait, non. C'est vrai que, imagine, t'as ton gamin de 7 ans qui parlait jusque-là très bien et tout d'un coup se met à faire piou piou, piou piou, piou piou. Tu dis, ah mais est-ce qu'il n'aurait pas appris le langage d'une île secrète? Je ne sais pas. D'une île déserte qui n'a jamais été découverte à part par un explorateur. Il y a juste 10 personnes au monde qui le parlent et tout d'un coup, le gamin, il a croisé la route d'un des 10 et tout d'un coup, subitement, il parle couramment cette langue. Mais c'est un vrai langage, c'est pas juste des mots. Quand son frère aîné parle, il s'exprime vraiment dans un langage qui est complet, avec une grammaire, avec une syntaxe, avec des variations dans les... Mais dans le livre, on a le langage popo ou c'est traduit? Non, c'est quand il échange avec son frère, on a les mots, les mots réels, on le comprend. Comme dans Star Trek, il y a une traduction instantanée qui se fait directement. Ça doit être le même principe. Et donc, on suit la vie de ces deux enfants depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au moment où le narrateur meurt à 60 et quelques années. Pour faire le résumé, on va dire. Donc le narrateur, c'est le jeune frère. C'est le plus jeune frère. Mais celui qui meurt au début, c'est le grand frère. Non, c'est le narrateur qui meurt au début. D'accord. Mais il meurt au début, au milieu, à la fin? Le narrateur, non, il meurt au début et à la fin. Mais il y en a un qui meurt... C'est son grand frère qui meurt au milieu. D'accord, ok. J'étais perdu, excuse-moi. Oui, il y a beaucoup de morts. Oui, bon, on vous a rien spoilé. Oui, rappelez-vous, il y a peut-être des spoilers dans ce truc. Donc, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je rebondisse parce que En fait, c'est un livre qui raconte une vie banale. C'est un peu ce que j'ai lu. C'est qu'effectivement, c'est la vie de personnes banales qui sont isolées du monde. C'est ça. Ils vivent dans leur propre monde. En fait, le frère aîné a visiblement des problèmes psychologiques. Je trouve que tu t'engages quand même. Ça se trouve, il va juste chercher des... Il parle les langages. Les parents meurent quand ils sont assez jeunes. Et du coup, le petit frère... Alors, on ne sait jamais ni le nom ni du grand frère ni du petit frère. Ah, c'est comme dans Mictlan. Et en fait, le petit frère prend la responsabilité de s'occuper de son frère aîné. Pour lui, c'est toute sa famille, c'est toute sa vie. Et sa vie, c'est s'occuper de son grand frère et ne rien faire qui le perturbe. Il y a un passage que j'ai noté dans le livre qui est vraiment la description exacte du roman, qui pourrait vraiment être le résumé du roman. Alors, évidemment, il y a ce que je te propose, c'est que ce soit toi qui le lise, parce que moi, ça pourrait être catastrophique. Voilà. Passer la même journée que la veille constituait pour le cadet le point essentiel. Se lever et partir travailler chaque jour à la même heure, manger la même chose à midi, tourner le même bouton de la radio, dire le même bonne nuit. Il savait bien que tout cela rassurait son aîné. Le changement le plus minime, par exemple la forme des sandwichs passant de triangulaire à rectangulaire, la bicyclette qui ne marchait plus, ou le speaker du programme radiophonique qui changeait, tout cela constituait pour son frère un obstacle. Comme les oiseaux affolés par un simple masque de protection, une prudence hors du commun troublait sa respiration. Il lui fallait attendre, immobile, pendant longtemps, que sa respiration retrouve son calme. C'est vraiment une, une vie de banale dans la répétition, mais c'est une vie quand même, c'est leur vie. Et alors, la référence aux petits oiseaux qui est dans le titre, c'est que le frère aîné parle le langage des petits oiseaux et il a une passion pour les oiseaux. T'imagines, tu parles le langage des oiseaux, mais en fait, tu ne pives pas ça du tout. Juste à côté de chez eux, il y a une école maternelle et il y a une volière dans cette école maternelle et le grand frère, il peut passer des heures appuyé contre le grillage extérieur de l'école à regarder les oiseaux. Et il va expliquer plein de choses à son frère là-dessus. Et c'est un livre très poétique. Il y a un extrait, je veux peut-être que je le lise. Celui qui me fait pleurer ? Oui, bah oui. Oui, si tu veux. C'est le dernier que j'ai noté. Celui-là ? Fais voir. Je te montre le livre à l'envers, c'est complètement con. Ça commence... À midi, c'est ça ? C'est à midi, ouais, c'est toute la page. Alors attention, je vais mettre de l'émotion, mais ça va être... Je vais prendre un petit mouchoir, hein, parce voilà. que... À midi, en mangeant son petit pain sur le banc peint en vert de la charmille, notez quand même que je fais un effort, il y a eu beaucoup le mot pain, il pensait souvent aux oiseaux migrateurs, ceux qui, blessés par l'attaque d'un adversaire, affaiblis parce qu'ils n'avaient pas trouvé de nourriture ou qui, à cause de facteurs impondérables, avaient décroché du trajet et n'arrivaient pas à atteindre leur but. La grue blottit dans les marais envahies d'herbe aquatique. Ses ailes blessées retombent, elle retient son souffle et non seulement elle ne peut les déployer, mais elle n'a même pas la force de se redresser. Elle n'a d'autre choix que de se blottir au creux des herbes. Ses compagnes se sont déjà envolées alentour. Elle sent par intermittence la présence des êtres vivants invisibles. Elle ne sait déjà plus où elle se trouve, ni la distance approximative qui la sépare de l'endroit où elle doit retourner. Dans le ciel, les étoiles scintillantes sont bien trop lointaines. Les signes secrets interrompus, sans pouvoir se relier à quoi que ce soit... Je ne sais pas lire, c'est terrible. Les signes secrets interrompus, sans pouvoir se relier à quoi que ce soit, restent dispersés, disséminés en surface. Les yeux levés vers le ciel, elle relie du regard les points entre eux. Elle a beau dépérir, elle déborde l'intelligence dont font preuve la nuit les oiseaux que son frère aimait tant. Elle pense à cet endroit lointain, cher à son cœur, qui se situe tout au bout des points reliés. Lui reviennent la forme des arbres qui y croissent en abondance, l'orientation du vent, l'odeur de la terre. Bientôt arrivent ces derniers instants. Dans un endroit inconnu où personne ne la veille, elle ferme les yeux. On peut l'attendre indéfiniment. Elle ne reviendra pas. Alors sachez que je ne pleure pas. On va vous remettre un documentaire sur les grues. Mais c'est représentatif du livre, en fait, ces deux passages. Parce que c'est à la fois une vie qui n'est pas une vie. Et il y a beaucoup de passages sur les oiseaux. Mais c'est pas comme une encyclopédie ou c'est pas un savoir encyclopédique qui nous est imposé, ça reste des petits passages qui sont très très poétiques. Et mais alors du coup c'est ça la question, parce que le livre fait quand même 270 pages, est-ce que ça... Oh, je viens de tomber sur un extrait où ça fait tchou tchou tchou tchou tchou tchou. Oui, c'est le chant de l'oiseau à lunettes. Est-ce que, parce que c'est un peu ce que j'ai lu j'ai un peu préparé cette émission, dans les critiques que j'ai pu aller lire, c'est qu'effectivement c'est très poétique, c'est un peu vide au sens où effectivement c'est une histoire banale, etc. C'est pas une histoire où il se passe, où il y a des péripéties, où c'est juste la description presque quotidienne d'une vie qui est isolée, qui est hors norme, parce que qui n'est... Enfin, c'est pas des. Lui prend soin de son frère jusqu'à ce que son frère meure. Et une fois que son frère est mort, quand son frère est mort, il a 45 ans. Il continue la vie, les routines qu'ils avaient avec son frère. Leur quotidien, c'était nourrir les oiseaux. Lui, il est comme travail, il est gardien dans une résidence d'une grosse entreprise qui accueille des intervenants qui viennent de l'étranger, parfois des personnes qui viennent pour signer des contrats, pour des réunions. C'est une résidence qui accueille les visiteurs de l'entreprise. Et donc son rôle, c'est d'entretenir la résidence quand les personnes sont là, quand les personnes ne sont pas là, mais aussi de s'assurer que tout est toujours prêt, qu'il y a c'est lui qui va commander les repas pour les personnes qui viennent, qui va commander les personnes qui s'occupent du jardin. Donc il est, on va dire, gardien, mais un gardien un peu haut de gamme. Et c'est un rôle qui est complètement invisible. En fait, il est là, mais il fait en sorte dans son travail que la résidence soit toujours prête à accueillir du monde, mais il ne doit pas être vu. Enfin, ça D'accord. doit être naturel. Et c'est une vie qui n'est pas du tout sociable. Il y a dans le roman, en fait, il y a que deux fois où il rencontre des gens vraiment. Et trois fois. Des gens extérieurs à la bulle qu'il forme avec son frère. Et il est pas du tout doué pour entretenir des relations avec des autres. Mais du coup, comment est-ce qu'on tient justement, parce que s'il y a rien entre guillemets, enfin rien, il y a pas de, c'est une vie normale, banale. Du coup, le récit est banal, Mais s'il est sans doute bien écrit. Comment est-ce qu'on tient? Parce qu'en fait, on est porté par leur vie, par leur. J'ai pas vu passer les pages en fait. Alors, je me suis astreint à ne pas le lire trop vite parce que je voulais l'avoir encore frais dans la tête quand on ferait l'émission. Oui, ça, je lis un peu lentement. Non, le mien était plus petit que le tien. Mais j'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer en le lisant. Quand j'ai commencé le livre, que j'ai vu que c'était vraiment une vie banale et qu'ils arrivaient au monde adulte, peut-être au troisième chapitre, je me suis dit, mais en fait, il n'y aura rien à raconter. À un moment donné, ça va me saouler, je vais m'ennuyer. Mais non, à aucun moment, on s'ennuie parce qu'il y a des petites tranches, des petits passages de vie. Et c'est bien amené. On se laisse porter par la continuité, en fait, par la non-péripétie, ça nous porte également en avant. Et alors, du coup, je lis un peu à l'arrière, c'est une question que j'avais posée, mais comme ça, je trouve une transition à faire. Alors, d'ailleurs, en lisant en arrière, je vois que sur la une, en fait, enfin, sur la couverture, il faut que j'arrête de dire la une, c'est terrible. La couverture, c'est Le jardin des délices terrestres de Jérôme Bosch. C'est un extrait donc, d'un tableau de Jérôme Bosch. Et derrière, ils disent Petit oiseau est une fable d'une douceur salvatrice, un éloge de la différence dans lequel la solitude conduit à un bel univers. Comme une fable. Alors moi, quand on parle de fable de La Fontaine. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, est-ce qu'il y a... ça renvoie à ma question, en fait. C'est la transition hyper intelligente, juste pour le plaisir de m'entendre parler. Quelles sont les leçons, quelles sont les conclusions que tu tires? Est-ce que tu en ressors quelque chose ou c'est juste vraiment un ouvrage contemplatif? Alors, c'est très contemplatif, mais je trouve que ça a le mérite de nous montrer que même une vie contemplative... c'est digne d'intérêt. Parce que la vie qu'il a menée avec son frère, la vie qu'il a menée seule, elle reste digne d'intérêt, même si elle peut paraître aux yeux de certains inutile ou inintéressante. Et du coup, ça t'apporte des choses à toi ? Apporter des choses, c'est un bien grand mot. Ça a été une très très belle parenthèse à lire. Enfin, c'est... Kémo est d'accord. Ah, t'es d'accord, mon chat. C'est... Il est parti faire caca. Bah, si je peux mettre un peu de poésie dans ce passage de l'émission. Quand tu rentres du boulot, que tu as eu une journée fatigante, que tu as eu du stress, et tu te poses avec ce livre, tu lis un chapitre, c'est comme une séance de méditation, en fait, ça t'apaise. Et c'est rigolo, ça c'est un mot qui revient beaucoup dans les critiques. C'est effectivement un livre apaisant. C'est vrai. Ouais, c'est revenu dans quasiment toutes les critiques que j'ai lues, c'est la notion d'apaisement, d'amener de la sérénité, etc. Ouais. C'est rigolo que tu, enfin, c'est pas rigolo, hein, je me trompe pas. Mais non, c'est. Mais c'est vraiment ce qui s'en dégage. Enfin, ça m'a fait du bien de lire ce livre, vraiment. Et du coup, est-ce que tu serais intéressée pour en lire d'autres ? Alors, je serais curieuse, surtout parce que dans ce que j'ai lu, c'est pas du tout représentatif du style de l'auteur. Apparemment, elle est plutôt du genre à décrire des personnages avec des perversions assez bizarres. Là, c'est pas du tout le cas, à part le fait que il parle aux petits oiseaux. Oui, il a pas envie de faire l'amour aux oiseaux. Mais apparemment, c'est pas du tout représentatif des livres qu'elle a pu écrire. Donc, je serais quand même curieuse de découvrir son style, on va dire plus habituel. Mais je serais curieuse. On va faire à suivre. Peut-être que Yoko Ogawa reviendra dans notre liste de lecture. Peut-être, mais je ne pense pas que ça rentrera dans le cadre des challenges lecture. Non, cette année, au regard des thèmes, ça va être compliqué. Bon, après, ça peut attendre l'année prochaine. Mais on y réfléchira l'année prochaine. L'histoire avec un mec qui a des phobies sur les baleines, par exemple. Ça se trouve, elle a fait un roman sur les gars qui ont des phobies avec les baleines. Peut-être, qui sait, j'ai pas tous les thèmes. Mais elle a l'air d'avoir fait pas mal de livres. Alors, j'ai découvert que c'était un auteur qui était... très apprécié en France, apparemment. Oui, d'ailleurs, il y a l'un de ses ouvrages qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma en France. Alors, c'est Je le mentionne parce que pour en savoir un peu plus sur l'auteur, j'ai été sur la page Wikipédia en anglais. Moi je ne l'ai pas lu ça dans la version française. Et où il cite en fait le film français qui a été fait, qui est visiblement la seule, même au Japon il n'y en a pas eu. C'est apparemment une autrice qui est très très populaire en France. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Et, moi je ne connaissais pas, du coup je ne me sens pas du tout, enfin on n'est pas du tout, enfin que ce soit l'un ou l'autre, on ne connaît pas le best-seller, on ne connaît pas l'auteur populaire. On est des références littéraires, il n'y a pas de souci. Hein. Arrêtez les gars de la com, vous nous saoulez. Et du coup, est-ce que tu avais lu d'autres auteurs japonais ou est-ce que, parce que, enfin, mine de rien, c'est un peu cliché de dire ça, mais les auteurs japonais sont, enfin, la vision qu'on a des auteurs japonais, enfin, la vision que j'ai des auteurs japonais, c'est des gars un peu perchés, un peu poètes, un peu. Ah bon ? Alors qu'en fait, j'en ai jamais lu. Mais c'est comme ça que je les imagine. Je pense que c'est le premier auteur japonais que je lis. Mais alors moi, par contre, j'avais pas du tout d'idée préconçue sur la littérature japonaise. Mais moi, je sais pas. Moi, j'étais parti un peu. Enfin, je sais pas. Je suis plein de clichés. Je vois ça. Donc voilà. Donc c'est Petits Oiseaux de Yoko Ogawa aux éditions Actes Sud et plus particulièrement dans la version poche chez Babel. C'est le numéro 1507 de alors, chez Babel. Je le recommande vraiment. C'est un très bon moment à passer. Peut-être que je le lirai. Peut-être, je ne sais pas. Entre deux romans pour les prochains mois. Oui, il faudra peut-être effectivement une petite parenthèse un peu poétique par rapport au prochain mois qui s'annonce, qui va être compliqué. Mais avant de parler du prochain mois, Bibiche, il faut qu'on parle. Des propositions que nous avons eues sur ce thème-là. Oui, parce que rappelons quand même que donc, du coup, on propose à nos auditeurs et nos auditrices de participer en leur citant le thème du mois prochain et s'ils veulent nous proposer des titres de livres qu'ils ont lus ou pas encore lus, s'ils veulent nous en parler un peu, on a fait un petit questionnaire qui est en ligne dont on vous rappellera le lien dans les notes du podcast. Tout à fait, dans les notes du podcast qu'on peut retrouver sur PodCloud, sur Apple Podcast. Ouais, sur toutes les plateformes de podcast. Sur Deezer, peut-être Spotify, sur Google Podcast et sur Podcast Addict, où on vous invite à nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles. Voilà. Et on a eu une proposition d'ouvrage en lien avec la catégorie. Mais quelle surprise! Une proposition de Leïa. Avec à chaque fois, donc on vous donne la possibilité, si vous avez l'ouvrage entre les mains, de nous donner la première phrase du livre et la dernière phrase pour voir si ça plaît à Bibiche ou pas. Donc je vais te relire la première et la dernière phrase. Mm-hmm. La première phrase, c'est « La femme n'était qu'un point improbable sur la paroi verticale de la falaise. Mm-hmm. » Et la dernière phrase, c'est « Elle sourit. » C'est intriguant. Voilà. Donc, tu étais vraiment effectivement... Ça, je te les ai déjà lus. Hein. Oui. Tu étais effectivement intrigué la première fois. Et c'est un ouvrage qui s'appelle « Le vol des harpies » de Megan Lindholm. Du coup, si c'est une harpie, il y a peut-être plus des chances qu'elle soit un petit point sur la falaise parce que les harpies, ça vole. En même temps, c'est un animal qui a des ailes. Ouais, je sais pas si c'est une créature plus qu'un animal. Il n'y a pas un oiseau qui est une harpie Vite, je croyais qu'une harpie, c'était une femme avec des ailes. Oui, mais alors, hop. Hein, c'est bien l'animal mythologique, effectivement. Oui, je confonds avec la pie, en fait, il y a le mot pie. C'est le moment où je passe pour un con, quand même. Ah oui, parce qu'une pie et une harpie, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, je pensais que c'était une pie avec une harpe, une harpie. Je vais dire ça aux pies qui sont dans le jardin de mon boulot. J'en vois plein. Je vais leur mettre une harpe au milieu du jardin. Je vais voir ce qu'elles font. Petit commentaire de Leïa qui nous dit « Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est du Robin Hobb, donc cœur, cœur, cœur. » Oui, forcément. Mais c'est pas du Megan Lindholm ? Alors, c'est peut-être son pseudonyme. Ah. Parce qu'il y a des auteurs qui publient sous un autre nom, certains styles. Et c'est la seule contribution qu'on a eue, donc pour le moment, on ne vous parlera pas du reste, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc n'hésitez pas à nous proposer d'autres romans pour les prochains thèmes, mais même aussi pour ceux qui sont déjà passés. C'est ça. On les citera pas, mais voilà. Mais on est quand même curieux de les découvrir. Et le prochain thème, Bibiche, qu'est-ce que c'est donc ? Alors, pour le mois de février... C'était le mois de février. Oui, ça pourrait rentrer dans le thème. Le thème, c'est un roman érotique. Oh non. Mais si, tu vas voir, tu vas aimer. Non, j'ai pas aimé. Tu sais, je l'appréhende cet ouvrage. Faut pas. Il se lit très bien. Merci, femme. Et puis je te force pas à lire les trois tomes. Non. Juste le premier. Il y a pas d'indice. voilà. On va s'arrêter là. Bon, c'est pas mal. Je vais te laisser, comme d'habitude, Bibiche, dire le mot de la fin. Évidemment, on remercie nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas à nous faire vos petites remarques, même si on n'en tiendra peut-être pas compte. Et puis, rendez-vous le mois prochain. Donc dans un mois, plus ou moins. Pour un roman érotique. Oui. Et donc, je te laisse le dernier mot, Bibi. Cacahuète.